j'ai décidé qu'il fallait retrouver, à partir de vendredi, le confinement qui a stoppé le virus. C'est le 16e jour de ce nouveau confinement, et si tu cherches un film à voir pour aujourd'hui, ça tombe bien, car je te conseille « Haute tension » d'Alexandre Aja. Haute tension, c'est le deuxième long métrage réalisé par Alexandre Aja, et c'est le film qui va le faire partir aux États-Unis. Parce que oui, Alexandre Aja ne réalise plus en France, mais aux États-Unis. Parce que Haute tension, ça a un peu été par un bide, mais ça a pas très bien marché en France. Alors que aux États-Unis, ils apprécient vraiment le cinéma d'Alexandre Aja, et ça a pas mal explosé dans la vidéo club. Et du coup, il s'est dit, je vais peut-être aller faire mes films là-bas, puisque c'est là-bas qu'on les aime. Et du coup, il a fait, par exemple, le remake de La Colline à des yeux, de Wes Craven. Ou alors, plus récemment, vous en avez sûrement entendu parler, de Crawl. Si le film a aussi peu marché en France, on en parlait avec Grave mardi, c'est peut-être parce que c'est un peu un film de genre et que du coup il est un peu moins de 16 ans. Pour vous plonger dans l'ambiance, au début du film on voit donc le tueur qui est joué par Philippe Naon, qui est en train d'avoir une fellation, et sur le plan d'après, il prend une tête, il la jette. Donc il se faisait une fellation avec la tête d'une meuf qui l'a décapitée. Voilà, je pense que en termes d'introduction, vous rentrez bien dans le film. On est bien là. Haute tension, ça raconte l'histoire de Marie et Alex, qui sont respectivement joués par Cécile de France et Maïwenn, qui vont réviser je sais pas quoi dans la maison des parents d'Alex, qui est une sorte de ferme, enfin qui est totalement une ferme en fait. Et pendant la nuit, un tueur qui est joué par Philippe Naon, qui nous a quittés cette année malheureusement, va s'introduire dans la maison pour essayer de buter toute la famille. Sauf que pendant la tuerie, Marie s'était cachée, et le tueur va enlever Alex, et elle va aller à sa poursuite pour essayer de délivrer son ami. Alors petit fun fact que j'ai découvert en faisant mes recherches sur le film, je ne savais pas, mais Cécile de France est belge. Voilà, donc son nom est mensonger, totalement. Haute tension, c'est un film à twist, c'est un film qui contient un retournement de situation à la fin, et pour être honnête, c'est un des twists qui a le plus fonctionné sur moi, et c'est un des twists qui m'a mis le plus mal. Alors apparemment, si on analyse bien le film, y a des indices, et c'est vrai qu'en y repensant, il y a des indices, mais je sais pas, j'ai pas forcément fait attention, du coup j'avais vraiment pas vu venir, même si bon, une petite moins on voit s'en douter, comme tous les twists, mais dans l'ensemble j'avais pas vu venir, et je me le suis vraiment mangé en pleine gueule. Et d'ailleurs ça va avec le twist, hein, mais le plan final, vraiment, je crois que jamais un plan final ne m'avait mis aussi mal de tout le cinéma. Vraiment, parce que je, pour vous expliquer un peu, c'est en gros, on est dans un hôpital psychiatrique, donc vous savez, c'est les vitres où quand on est à l'extérieur, on peut voir ce qu'il y a à l'intérieur, mais quand on est à l'intérieur, on ne voit pas ce qu'il y a à l'extérieur. Et la personne qui est à l'intérieur, c'est comme si elle savait qui il y avait à l'extérieur, et elle tend les mains vers elle comme ça, brusquement. Et quand vous n'avez pas le contexte, ça peut paraître un peu genre nul ou pas flippant, mais quand vous aurez vu le film, vous comprendrez qu'en fait, c'est flippant, et ça met très mal. Haute tension, c'est aussi le film qui va totalement changer votre perception de la phrase « Je ne laisserai plus jamais personne se mettre entre nous ». Quand vous entendez cette phrase, ça peut être dans un contexte ultra romantique, ultra cool, confort, tout ça, vous allez flipper, parce que j'ai encore cette phrase dans ma tête qui résonne pendant tout le générique, quasiment, enfin pas le générique, mais pendant la fin du film. Et encore une fois, quand je dis ça hors contexte, ça peut paraître un peu débile, mais quand vous verrez le film, vous verrez que c'est pas du pipeau. Alors j'ai beaucoup aimé la réalisation et la mise en scène d'Alexandre Aja, parce qu'on sent vraiment l'influence des films d'horreur qu'il a vus plus tôt. Il y a notamment, pour en citer quelques-uns, il y a Massacre à la tronçonneuse, où on a une espèce de scie circulaire, je crois que c'est, qu'a le tueur. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai interprété. Je sais pas si c'est la volonté du réalisateur, mais c'est comme ça que j'ai interprété. Et du coup, quand on a un film d'horreur par un passionné d'horreur, c'est vrai que déjà, on part bien. Parce que forcément, il va y mettre du cœur, il va essayer de faire ça bien, et haute tension, c'est très réussi. Parce que même si des fois, on se dit « Ah, il va se passer ça, il va se passer ça », la mise en scène arrive toujours à nous surprendre, en fait, et à amener des meurtres tous plus violents que les autres. Et même s'il y a des fois où on se dit, ok, il va se passer ça, et il se passe ce qu'on pense, en fait, c'est tellement bien amené au niveau de la mise en scène que c'est pas un problème, qu'on est quand même surpris. L'important, c'est pas ce qui va être amené, mais plutôt comment ça va l'être. Alors, quelques anecdotes que j'ai lues en faisant mes recherches. Philippe Naon a pendant longtemps refusé le rôle parce que il venait de faire son personnage du boucher dans Seul contre tous de Gaspard Noé, qu'on avait retrouvé dans Irréversible en plus. Il avait un peu une image de psychopathe. Et donc jouer un tueur, il n'était pas très chaud. Mais bon, au final, il a fini par accepter. Et heureusement, parce que sa performance est excellente. Cécile de France, quand elle fait ses cascades en voiture, il n'y a pas eu de doublure. Elle les a fait elle-même. Et apparemment, bon, ça a juste confirmé ce qu'on voit dans le film. Mais les conditions de tournage étaient vraiment affreuses pour les deux actrices. Parce que il y a beaucoup de moments où elles étaient pieds nus en pyjama avec du faux sang sur elles. Maïwenn, elle avait, je sais pas comment on appelle ça, mais enfin des trucs dans la bouche là pour les prisonniers en fait, ou même les animaux, pour pas qu'ils. C'est pas une muselière, mais enfin bref, vous verrez en regardant le film. Et du coup ouais, les conditions de tournage étaient affreuses, bien qu'il ait duré que 6 semaines, ça a dû être vraiment compliqué. Après c'est un avantage et un inconvénient à la fois parce que quand on est comme ça plonge plus facilement dans l'ambiance du film, c'est plus facile de jouer la peur. Et heureusement que le tournage n'a pas duré longtemps. Ça peut devenir un peu trop éprouvant. C'est le troisième film de la semaine où je dis ça, mais encore une fois, si vous êtes facilement choquable, ne regardez pas Haute Tension, parce que bah, c'est assez gore et violent. Il y a quand même, pour prendre un exemple, hein, il y a quand même un mec qui se fait décapiter avec un meuble. C'est un exemple parmi tant d'autres. Et j'espère que pour ceux qui sont fans d'horreur et qui n'ont pas vu le film, cette phrase va vous intriguer et que vous allez y aller. Mais bien sûr, Haute Tension n'est pas parfait. Évidemment que le film a des défauts, comme la grande majorité des films. Mais franchement, c'est un film qui est extrêmement bien scénarisé, où il y a extrêmement d'inventivité sur les meurtres, où on va trouver des façons plus originales de les amener. Et franchement, c'est pas si flippant que ça, à part la fin qui vous retourne le cerveau avec le twist et qui vous met plutôt mal. Ce qui va plutôt faire l'intérêt du film, c'est plutôt la violence plus que la peur. Et donc forcément, si vous n'aimez pas la violence, c'est pas un film à voir, encore une fois. Alors bien évidemment, le film est gore, bien évidemment, c'est très sanglant, puisque bon, à partir du moment où le tueur rentre dans la maison, je crois que le sang est présent sur tous les plans. C'est bien normal, puisque bah, c'est le but du film, c'est un slasher, c'est totalement un slasher. Et même si c'est un slasher, ce que j'ai bien aimé par rapport pour citer que les plus connus, au Vendredi 13, Halloween, Scream, tout ça, c'est que l'intrigue se déroule vraiment en une journée. C'est-à-dire qu'elles arrivent environ en fin d'après-midi dans la ferme, que le tueur vient la nuit, et que en fait toute l'action se déroule la nuit, et que le matin c'est fini. Même si c'est pas un point négatif dans tous les slashers que j'ai cités avant, il n'y a pas tellement par exemple de scène où on les voit parler toutes les deux, à part au début, enfin je veux dire à partir du moment où le tueur est rentré, c'est vraiment de la tension tout le temps, et du coup le film porte très bien son nom, puisque bah, à partir du moment où le tueur rentre dans la maison, le film arrive à maintenir une tension constante, et je trouve ça très très fort. Le film a un petit budget d'environ 2,2 millions d'euros. Franchement, je trouve qu'il est super bien géré parce que tout ce qui est au niveau du sang, tout ce qui va se passer autour des meurtres, tout ça, je trouve que c'est franchement réaliste comparé à d'autres films. Et la performance des acteurs est franchement convaincante. Alors, je suis pas hyper fan de Maïwenn dans ce film, mais il faut reconnaître qu'elle joue franchement plutôt bien. Et je parle même pas de Cécile de France qui est vraiment sublime le film, et de Philippe Naon qui ne parle presque jamais, qui a très peu de dialogue, et qui en impose tellement juste par sa présence, que franchement son jeu est génial. J'aime beaucoup conseiller des films qui ont une excellente photographie selon moi. Haute Tension, c'est pas spécialement le cas, même si j'ai beaucoup aimé la photographie, on va pas se mentir, c'est pas non plus exceptionnel comparé à une photographie d'un film de Gaspard Noé ou de Grave ou toutes ces choses-là. Mais franchement, ça fait largement le travail. Et puis même si la photographie était complètement mauvaise, tout ce qu'il y a autour fait que le film est génial. Je te conseille de voir ce film également pour voir tout le talent d'Alexandre Aja et ensuite se lamenter parce qu'il est parti aux États-Unis parce que là-bas ils savent apprécier son cinéma. Et malheureusement, c'est un peu le problème des films de genre en France, on en parle avec Grave, ça marche beaucoup mieux à l'étranger qu'ici. Et c'est fortement dommage parce que ça nous prive d'une diversité dans le cinéma français, puisque bah forcément, si le film marche pas, ça donne pas forcément envie d'en refaire. Et c'est plutôt dommage parce que du coup, ça alimente les clichés de « Ah ouais, le cinéma français, c'est juste des comédies de merde ». Clichés, bien évidemment, que j'essaie de démentir tout au long de la semaine. Le cinéma français, si on est un minimum curieux, c'est formidable. Alors, j'ai fortement hésité à vous faire cet épisode, tout simplement car le film n'est disponible qu'à la location sur Bbox VOD, et que donc, si vous voulez le trouver légalement, c'est très compliqué si vous n'avez pas le DVD. Mais j'ai tellement aimé ce film que je me suis dit, bon, allez, je fais quand même l'épisode, même si c'est compliqué à trouver. Voilà, c'était tout pour moi. Si tu n'as pas été convaincu ou si tout simplement tu veux quelque chose d'un peu plus léger, je te donne rendez-vous demain pour une nouvelle recommandation.